Soyez les bienvenus dans cette émission de Sans pleurer sans reproche sur l'antenne de Galaxy Radio. C'est toujours un immense bonheur de vous retrouver chaque lundi soir de 20h à 22h sur cette antenne et sur d'autres supports d'ailleurs que sont iTunes, Deezer, Spotify, Mixcloud, Podcloud et sur le site de galaxyradio.fr. 2 heures consacrées à la musique électronique, body music, électro-industrielle, new wave, cold wave, post-punk, etc., etc. La rituelle sélection de la semaine pour ce lundi, c'est le nouvel album de Amorphous. Il s'appelle Moth Metaphor. Ça sort chez Semantic Production. C'est le projet du Brésilien Gilo Santos, hein, qui est parti vivre en Angleterre. C'est pas la première fois qu'on le diffuse en sélection de la semaine. Son nouvel album est vraiment terrible, terrible. On en reparle tout à l'heure. Et on retrouve des fous furieux, que sont les Suédois de Touquet. Ils avaient présenté leur album éponyme en sélection de la semaine. C'est une multitude d'influences pour ce duo. Il y a de la bonne EBM old school de qualité suédoise. Des choses très légèrement poppy. Il y a aussi du Marilyn Manson par exemple. Rien de bien original à l'horizon, mais ils n'en ont pas besoin pour nous sortir un album rempli de machines à tubes pour Dancefloor équipé de Marcellette Bretel. C'est sorti en CD sur Minor Records avec pas mal de petits goodies comme des t-shirts ou bien des posters. Pour ce soir, je vous passe le morceau Spasiba qui veut dire merci. Franchement, merci à Touquet de nous envoyer cet album de dingue et de nous donner l'occasion de se dégourdir les jambes. C'est parti, Touquet, Spasiba. Thank you. Thank you. Phuket avec le morceau Spasiba qui veut dire en russe merci. Extrait du très très bon CD Phuket, premier album éponyme pour ce duo suédois complètement ravagé. Et ça sort chez Minor Records. On est resté en Suède ensuite avec No Sleep by the Machine et le morceau Oné Eric. Extrait du EP 9 sorti chez Murty Records qui semble géré par le groupe lui-même hein, et ça, il sort aussi le projet parallèle Neurotic Tremors. On a continué avec la nouveauté de chez Ukonks Recordings, c'est Isolated Material du EP Aliast. On s'est écouté Spinning, ou Spinning, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est mon morceau préféré de ce EP 6 titres, hein, de ce français expatrié sur Berlin. C'est sa toute première sortie officielle sur un label que j'adore, donc c'est Ukonks. Je vous recommande vivement de vous pencher sur le catalogue entier de cette maison de disques, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement possibles et imaginables. En parlant de Ukonks, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, on retrouve une nouveauté de Shenzhen, c'est Artillery Night Space. C'est l'album Devo Veo. Alors, Artillery Night Space, c'est un DJ de la boîte très fameuse située à Los Angeles qui s'appelle Dust Bunker. Ce DJ, c'est Talada. Et là, je vous passe directement à un morceau qui est pour moi un tube. C'est vraiment le meilleur morceau de cet album très très varié. On s'écoute tout de suite Flashback en Element Visitation. Yeah. countable star. It's monochrome to bear alone. Extinguished apart of you that connects the dots. Tainted to part, it left me prone. Prone to an illness. It's the return of a bittersweet taste. I thought I'd been erased. I swear now I won't come. It's a fear to overcome. See me as a reflection. From above blinds my whole understanding of realness. Vegas mirage, apparition, apparition in cloth. Cautious beyond is a step by step approach to a trap. It's not important what you see with your eyes. But with your heart, I swear now I won't run. It's a fear to overcome. See me as a reflection of the things that I have done. Silence can heal and harm. It feels real. De cette séquence, c'était vraiment un tube. C'est le morceau Flashback en Element Visitation du groupe Artillery Night Space. Ça paraît sur l'album Devoveo sorti chez Anzen. Ensuite, on s'est réintéressé au label brésilien Wave Records avec deux sorties. La première, Enib. C'est une belle découverte grâce à la compilation Isolated. En fait, c'est le projet du chanteur de Echoes of Silence, il habite Rome, et c'est son premier album solo qui s'appelle Cut. Très très bon album, car il est très varié, et on sent une bonne réflexion sur chacun des morceaux, qui sont tous plaisants à l'écoute. Il n'y a pas de recyclage de son ou ce genre de choses, et on s'est écouté le morceau No Way Out. On a terminé dans une cold wave post-punk de qualité, à laquelle j'accroche facilement, c'était le groupe Timian. Il sort un maxi 4 titres éponyme, où la voix est légèrement forcée dans des compositions complexes, et on s'est écouté le morceau Modern Fantasy. C'est un vinyle limité à 200 copies. Allez, on continue avec une nouveauté également, une nouveauté de chez Alpha Matrix. C'est le Heute Nacht de Armageddon Dildos. Très honnêtement, ce n'est pas un retour fracassant pour Uekanka. C'est un long single avec pas mal de remix, et franchement les remixeurs ont parfois un petit peu de peine à rehausser le niveau du morceau. Il y a Fleshwire, ADK, et mon préféré pour ce soir est le remix fait par First Aid for Souls, qui n'a pas hésité à retirer l'horrible nappe de synthé cheap sur l'original. C'était la meilleure chose à faire. J'attends la suite avec impatience pour Armageddon Dildos. C'est un groupe qui m'a fait halluciner dans les années 90. J'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait. croisons les doigts pour que ce soit très EBM. Allez, on s'écoute tout de suite Armageddon Dildos avec Heutenart, remixé par First Aid for Souls. Ich lauf betrieben durch den Wald. Demi-teinte pour Armageddon Dildos avec le single Heutenart. J'ai choisi le remix, le club mix de First Aid for Souls. Ça sort chez Alpha Matrix. Il y a quelques années déjà, Uekunka avait fait un retour un petit peu en demi-teinte, puis après c'était bien réveillé. Je croise les doigts pour qu'il recommence. Après Dildos, quoi de plus naturel que de passer First Aid for Souls avec un deuxième extrait de Keep This World Empty. On s'est écouté Fras Fractal. Pour cet album, les deux Hongrois ont pris énormément de vitamines. Ils le sortent chez Alpha Matrix, c'est une très très belle réussite, on ne s'ennuie jamais. Le BM représente une grande source d'inspiration pour ce duo. La production est bien ficelée, je vous recommande franchement cet album que j'aurais dû passer en sélection de la semaine. Je ne l'ai pas fait faute de temps. Cette séquence est terminée avec Data Banca, un extrait de The Extremist qui sera après The Optimist, The Pessimist et The Realist. C'est un album 11 titres, hein, toujours très classique pour Data Banca. J'ai choisi le morceau de fermeture de cet album qui s'appelle Living Here Alive. Allez, c'est quasiment un rituel maintenant, on retrouve le label danois Tiny Torturous avec une nouveauté. En ce moment, ils ne sortent que des singles, et là, c'est une coopération entre Negent et Zetmec. Vous connaissez Negent, que je présente souvent, tandis que Zetmec est un projet solo danois baignant dans la musique industrielle. Il a déjà 5 albums depuis sa création en 2007. Ça sort le 15 mai, et ça s'appelle Aggression Diversion. C'est parti, Zetmec vs Negent, Aggression Diversion. Solution. party's over. Thank you. Zetmec vs Negent avec Aggression Diversion, c'est un single sorti le 15 mai dernier sur le label danois Tiny Torturous. Après, on est parti en Russie avec Outpost 11, le morceau Action en Malabida mix par Larba. C'est de l'album Transition et ça sort en autoproduction. Bizarrement, c'est le morceau que je préfère de cet album et pourtant, c'est un remix fait par ces Barcelonais de Larba, que je n'apprécie pas trop au niveau musique. On va terminer avec une nouveauté d'un label français que j'ai déjà présenté d'ailleurs, c'est Third Coming Records. Là c'est Offermose, c'est un projet solo danois. Il a déjà sorti deux EP, dont un sur ce label français, donc Third Coming Records. Tout ça pour présenter son album à paraître cet automne qui s'appellera Sophomore. Ce single c'est Sail and Ruins, alors je ne sais pas si je le dis bien finalement, mais ça veut dire Ruine de l'âme. Allez, on retrouve notre sélection de la semaine, qui est l'album Moth Metaphor de Amorphous. C'est le projet du Brésilien donc Gilo Santos, qui fait partie de Morgue, et qui vit en Angleterre maintenant, et on a eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs lors d'un W Festival. C'est un personnage très sympathique, à l'encontre de sa musique souvent froide et puissante. Je pense que tous les albums de Amorphous ont été diffusés en sélection de la semaine dans notre émission. Là c'est le quatrième, il est encore plus sombre que les précédents. Gilles n'a pas forcément voulu rester coincé dans la formule qui lui a permis de sortir des tubes. Là, c'est moins facile d'y pénétrer, mais une fois qu'on y est parvenu, c'est franchement du bonheur. En fait, je trouve que c'est un album assez posé dans l'ensemble. Ça sort également le 15 mai, et là, il y a une édition limitée à 300 copies sur le label russe Razgrom Music. On s'est écouté en début d'émission Secret Place, et là, on s'écoute Non-Linear Future. Excellente sélection de la semaine encore une fois, c'était Amorphous et l'album Moff Métaphore. On s'est écouté le très très bon Non-Linear Futur. Ruez-vous sur le bandcamp de Amorphous. Ça sort sur sa structure qui s'appelle Semantic Production. Juste après, encore un nouveau single pour l'ami Peter Verkotteren, alias Propatria. On s'est écouté le morceau One More Time. Ensuite, un projet franco-anglais que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est Senius. C'est la coopération entre Steve Whitfield, qui a bossé avec Ian Tiersen par exemple, The Cure ou The Mission, et l'angevin Fabrice No, qui nous a contactés directement. Je les remercie d'ailleurs. Ce deuxième single s'appelle Wide and Woolly, c'est sorti en autoproduction. Je voulais rejoindre un petit peu ces atmosphères avec une deuxième diffusion dans notre émission de l'album Ahead de Luminance. C'est franchement magnifique, il est sorti en double 45 tours sur le label Medical Records, qui sort également Alexander Robotnik par exemple, ou Null Envoy. C'est une musique que j'ai envie de qualifier d'electro-wave, c'est presque inclassable en fait. Je vous recommande vivement cet album qui aurait dû être diffusé également Sélection de la Semaine s'il comportait des morceaux plus radiodiffusables, notamment sur Galaxy, dans le sens où ça serait un petit peu plus mouvementé. J'en ai parlé tout à l'heure de Ukanks Recordings et en jouant une nouveauté de Deomphasis qui sort sur le label allemand AC Records. Là, Deomphasis sort un vinyle sur ce label des morceaux qu'il a compilés qui étaient dispo jusqu'à l'heure en numérique. Ce vinyle est sorti en édition rouge et il y a également une édition classique. Ce soir, je diffuse le morceau My World qui était à l'origine sur la compilation Lost Files, sorti en 2012. Deomphasis My World. We'll be right back. I'm out. J'espère que vous appréciez autant que moi ce groupe français d'Emphasis. C'est le boss du label Ukanks Recordings. Là, il sort un maxi vinyle Point of No Return chez les Allemands de AC Records. Et on s'est écouté My World. On est resté en Allemagne ensuite avec l'Allemand Henrik Grothe et son groupe Black Color. Il habite Leipzig. Je présente à chaque production Black Color. Il est productif. Et là, il sort un maxi 4 titres chez le géant allemand Aufnahme und Wiedergabe. Il n'y a pas de surprise, mais c'est toujours aussi efficace. C'était le morceau Extinction. C'est la plage titulaire de ce maxi d'ailleurs. Et après, c'était une nouveauté, le très bon maxi des Klein of Zymox, Get Lovers. C'est un morceau vraiment excellent. Les remixes faits par Actors, que je passerai dans un Culture Wave d'ailleurs, Ante ou Cellophane sont tous très bons. Pour ce soir, j'ai justement choisi celui des Grecs de Cellophane, qui doivent d'ailleurs jouer au Liège New Wave Festival cette année, au mois de septembre. On va peut-être reprendre les agendas ici dans l'émission, et du coup je vais m'intéresser à ce groupe Cellophane. Là, ce n'est pas une nouveauté, quoique c'est sorti à la fin de l'année dernière. C'est le nouvel album Cinetica des Esplendor Geometrico. Je ne sais pas comment ils font pour être au top de la créativité, de l'originalité et de la puissance musicale. C'est un vrai mystère pour moi et très peu de groupes relèvent ce défi. Du line-up originel, il reste le fondateur Arthur Hollands qui vit à Pékin. Et il est accompagné de Saverio Evangelista qui vit à Rome. Cinetica, ce sont 8 titres excellentissimes. Il y a une édition vinyle, une édition CD, ainsi qu'un box limité avec un live donné à Madrid en 2016. C'est cette version qui est dispo en digital sur leur Bandcamp, que j'ai acquise d'ailleurs, et ça sort 5 mois après les versions physiques. Cinetica me donne envie de me refaire l'intégralité des albums de Esplendor Geometrico, et on s'écoute tout de suite le morceau Regulación Percussiva. Ce sera suivi d'une superbe découverte que j'ai faite grâce à d'autres podcasts. Restez à l'écoute. Esplendor Geometrico, Regulación Percussiva. J'espère que vous avez pu apprécier cette séquence autant que moi. C'était en tout premier Esplendor Geometrico avec Regulación Percussiva. Extrait de l'album Cinetica, ça sort chez Geometric. Je repasserai un deuxième parce que je suis totalement fan de ce groupe. Ensuite, Goblin Summoner. C'est une belle découverte que j'ai faite grâce au podcast Ami, que j'écoute avec grande attention chaque semaine. Je vous les cite sans ordre de préférence car ils sont tous excellents. Vous les retrouvez sur Mixcloud d'ailleurs. Il y a Cyberland qui est une émission de radio sur la région de Besançon. Il y a les extérieurs mix de Vincent et les podcasts de Electromatisme, Electromatisme avec AU et pas un O, qui se situe dans la région de Clermont-Ferrand. Quand ils ont diffusé Goblin Summoner, j'ai tout de suite accroché. Ce que fait ce très jeune américain est tout simplement génial. Il s'appelle Isaac Doyle. Il a dû baigner dans une atmosphère électro-industrielle dès son plus jeune âge. Il s'est enfilé toute la discographie de Skinny Puppy, Mental and the Fixer, Frontline, j'en passe, et des meilleurs. Son travail, qu'il met à disposition d'ailleurs sur Bandcamp, est fantastique. Allez faire un tour, Goblin Summoner, et c'était le morceau Kick the Habit, en single mix. Et pour finir, un autre groupe que j'adore, Laibar, c'est tiré d'un coffret luxueux, limité à 1200 copies, qui s'appelle tout simplement Box Laibar Revisited. Il y a la réédition du tout premier album, et une version revisitée de cet album d'où ce nom. Quand ils refont les morceaux, Laibar ne se fout de personne, c'est un vrai travail de refonte. Faut être fan du groupe pour s'immerger dans leurs univers, j'insiste sur le S, mais je suis fan de ce groupe donc, devinez la suite. Ce n'est pas sorti sur Mute Records, c'est sorti en autoproduction. D'ailleurs, certains numéros de ce box sont uniques dans le sens où le coffret est totalement personnalisé pour l'acheteur. Je suis incapable de vous prononcer correctement le nom du titre que j'ai diffusé ce soir, même avec quelques breuvages ingurgités que mon comparse Der Grigolini. J'essaye quand même. C'était Tiki Easy Vass, Revisited. Allez, on termine cette émission avec Contravoid et un extrait de 2D Premixes que je représenterai d'ailleurs. Franchement, tous les remixes sont vraiment excellents. Il y a Physical Wash, Melania, Static Bloom ou encore Multiple Man. C'est une parution uniquement en digital. Et pour ce soir, j'ai choisi le remix des Tchèques de Fraction. J'avais passé leur album Control en sélection de la semaine d'ailleurs. Et pour finir cette émission, je tenais une nouvelle fois à rendre hommage à une personne fantastique. D'ailleurs, son comparse lui rend également hommage cette semaine en mettant à disposition un morceau. C'est avec grande émotion que j'ai encore regardé des vidéos sur YouTube de ce grand groupe allemand. Je vous laisse deviner, mais je pense que vous allez percuter dès les premières notes de musique. Merci encore d'être fidèle à l'émission Sans pleurer sans reproche, que ce soit en direct sur Galaxy Radio, que ce soit sur le site www.galaxyradio.fr, que ce soit sur Mixcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Podcloud. Passez une excellente semaine. À bientôt. Ciao. dich, ich denk an dich, wenn du alleine bist. Ich denk an dich, bitte, bitte denk an mich. Sing für mich. Es ist so schön und tut mir weh. Ich denk an dich. Jungs und Mädchen, ich bin Gabi Delgado und mein Französisch ist nicht sehr gut, aber ihr hört Sans Plaire Sans Reproche auf Radio Galaxie FM.